إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On va commencer donc le cours 31 dans l'explication du livre Umdatul Ahkam. Et le livre Umdatul Ahkam, on est arrivé donc dans le chapitre 8, dans Bab al-Salat, Kitab al-Salat, le chapitre de la Salat. Et le chapitre 8 dans Kitab al-Salat, c'est Bab al-Adhan wal-Iqama, c'est-à-dire le chapitre au sujet du Adhan et de l'Iqama, l'appel à la prière. Et donc, le hadith qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est le hadith 62, al-Hadith al-Thani wa Sittun. Et c'est le hadith qui est rapporté. Tous les hadiths de Umdatul Ahkam sont soit rapportés par Al-Bukhari, soit rapportés par Muslim, ou soit par les deux ensemble, Al-Bukhari et Muslim. Et donc celui-là ici, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc tous les hadiths sont authentiques dans ce livre. Et il dit: « Wa an Abi Juhayfa Wahb ibn Abdillah As-Suwa'i qal ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi qubbati وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. Donc, on va traduire le hadith maintenant. Le hadith est rapporté selon Abi Juhayfa, Wahb ibn Abdillah As-Suwa'i. Il dit: je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans une tente, hein, qui était faite en peau d'animal. Et il dit que Bilal est sorti avec de l'eau pour rentrer, avec un contenant avec de l'eau pour faire le wudu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait son wudu, les sahaba, ils veulent toujours essayer d'attraper des gouttes du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit ils attrapent des gouttes qui tombent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, pour la baraka, pour la bénédiction qu'il y a dedans. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font? Si quelqu'un, il a obtenu de l'eau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il s'est frotté avec, il va en donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il va frotter quelqu'un d'autre avec cette eau, pour que lui aussi puisse, avoir de cette bénédiction. Et il dit, donc, famine nardihin, Nadih, c'est celui qui prend de l'eau qui tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wana elin, quelqu'un qui l'en obtient par le fait que quelqu'un lui en met sur lui. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم est sorti. وعليه حلة حمراء. Il avait un vêtement rouge. Et on va voir la description un petit peu plus en détail de ce vêtement par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire, le vêtement rouge? Et il dit, c'est comme si je voyais la blancheur de ses chevilles. La blancheur de ses chevilles. Il dit, et donc, il a fait le wudu. Il a fait le wudu et Bilal a fait l'adhan. Hein? Adhana Bilal. Il dit, après, il dit, je suivais Bilal يعني à droite et à gauche. أتتبعوا فاه. الفا يعني فاه c'est sa bouche. يعني je suivais sa bouche. هاهنا c'est-à-dire ici et là. C'est-à-dire quand il allait, quand il tournait sa tête vers la droite et quand il tournait sa tête vers la gauche, il dit je le suivais pendant qu'il allait à droite et à gauche comme ça pendant qu'il disait حيا على الصلاة حيا على الفلاح. Venez vers la salat, venez vers le succès. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a planté une petite lance dans le sol. Yani, rukizat lahu anaza. Quelqu'un a planté pour lui une lance dans le sol. Et en général, quand il était dans un endroit ouvert, par exemple, et qu'il n'y avait pas de sutra, il plante une lance par terre, puis il prie en sa direction, puis ça fait sa sutra. OK? Et il dit que Il a prié rak'atayn. Il a fait deux rak'at pour la prière de dhuhr. Hein? Salat dhuhr, rak'atayn. Parce qu'il était en voyage. Hein? Et il a continué à prier rak'atayn jusqu'à ce qu'il retourne à Médine. Hatta raja'a ila al-Madina. D'accord? On va expliquer maintenant certains termes qui sont mentionnés dans ce hadith-là. Premièrement, fi qubbatin min udam. Min udam, jam'u adim. من أدم جمع أديم بضم الهمزة وفتحها. Donc on peut dire من أدم أو من أدم. Et c'est quoi? C'est الجلد المدبوغ. القبة هي الخيمة. Donc il était dans une tente qui est fabriquée avec du cuir. Hein? Du cuir, c'est-à-dire de la peau qui a été tannée, qui a été nettoyée et tout. Et il dit donc الوضو يعني الماء. Al-wadu, on lui a amené de l'eau pour qu'il puisse faire le wudu. Il dit, hulla, yani la takun illa fi min thawbain, izarun wa rida, aw ghayrihima, wa yakunu thawban lahu bitana, aw batana. Donc il dit que al-hulla, c'est un vêtement, et ce vêtement-là, il est en général composé de deux parties, un haut puis un bas. Ok? Et c'était un vêtement qui est décrit comme étant rouge. Et on va voir qu'est-ce que ça signifie, parce qu'il y a des hadiths qui mentionnent l'interdiction de porter du rouge. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter du rouge. Mais il dit que ce n'était pas un rouge pur. Hein? Comme ça a été expliqué par Ibn al-Qayyim, c'était du rouge qui était mélangé avec du noir. Donc c'était pas un rouge complet. Hein? C'était pas entièrement rouge. Naam. Donc il dit فمن ناضح ونائل النضح الرش والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك والنائل الآخذ ممن أخذ وضوئه عليه الصلاة والسلام. Donc c'est ce que j'expliquais. النضح, ça vient de النضح qui veut dire الرش. Rash, c'est-à-dire c'est de l'eau qui a volé ou qui est éclaboussée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il fait son oudou. Donc il fait son oudou, il lave son visage, il lave ses mains, il y a de l'eau qui sort, qui éclabousse. Et il y a des sahaba, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de cette eau-là qui éclabousse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis ils se frottent avec. Et il y en a qui frottent les autres comme s'ils en prennent de cette eau-là et puis ils en mettent sur les autres aussi. Donc, c'est ça, et le but de ça, c'est d'obtenir de la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est permis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pas permis de faire ça avec quiconque autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, tu vois ça chez les soufis, Allah musta'an, eux, leur cheikh, quand ils ont un cheikh, eh ben, ils font ça avec le cheikh. C'est-à-dire quand le cheikh il va faire le wudu, ils vont toucher, prendre son eau, ils vont se frotter avec, n'importe quoi, yani, comme, et ça c'est pas permis de le faire avec autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ceux qui font ça avec leur cheikh ou avec les hommes pieux ou des gens comme ça, parmi les gens de bid'ah ou les soufis, ça il faut comprendre que ça c'est contraire à l'islam, contraire à la sunna. Et le cheikh il dit ensuite, أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا هَهُنَا. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit ظَرْفُ مَكَان. هَهُنَا ظَرْفُ مَكَان. وَالْمُرَادُ يَلْتَفِتُ جِهَةَ الْيَمِينِ وَجِهَةَ الشِّمَالِ لِيُبَلِّغْ مَنْ حَوْلَهُ. Donc, أَتَتَبَّعُ فَاهُ, ça dit je suis sa bouche à droite et à gauche, يعني, dans le sens que quand on fait l'adhan et qu'on dit حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ, Hayya ala salat, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. On doit tourner sa tête à droite et à gauche quand on prononce ces paroles-là. Et le but de ça, c'est de faire en sorte que le plus de gens puissent entendre l'appel à la prière. Et donc, ça montre que ça, ça fait partie de la sunna. Et que Bilal, radiallahu anhu, quand il faisait l'adhan, il faisait ça. Il tournait sa tête à gauche et à droite. Et yani, ça c'est donc parmi les sunan du adhan, de tourner la tête quand on dit hayya ala salah, hayya ala al-falah. Et ensuite il dit wa anaza, anazatun yani rumhun qasirun fi tarafihi hadidun daqiqatun daqiqatur ras yuqalu laha zujj wal anazatu bi fath al-ayn wan nun waz zay آخره تاء مربوطة. Donc anaza, c'est une petite lance. C'est une petite lance qu'on utilise yani pour la guerre, hein, ou bien pour le combat. Sauf que yani, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire la prière, il le plantait dans le sol pour faire une sutra, pour prier devant, pour pas que quelqu'un le coupe pendant sa prière. Il dit المعنى الإجمالي le hadith, le sens général du hadith. Qu'est-ce que ça explique ce hadith là? كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في الأبطح في الأبطح pardon في الأبطح في أعلى مكة فخرج بلال بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الناس يتبركون به وأذن بلال قال أبو جحيفة فجعلت أتتبع فاه أتتبع فاه بلال وهو يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح ليسمع الناس حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة ثم يعني ركزت له رمح قصيرة تكون سترة له في صلاته فصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة لكونه مسافرا. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était descendu quelque part dans un endroit qui est parmi les endroits élevés de Mecca, et Bilal est sorti en fait avec le restant du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il avait fini de faire son wudu, donc il a ramené le plat et les gens ont pris de cette eau pour se mettre sur eux pour avoir cette bénédiction. Et parmi eux, certains arrivaient à en prendre pour eux-mêmes, et d'autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le passaient sur les autres. Et Abu Juhayfa, il dit qu'il suivait la bouche de Bilal qui se tournait à droite et à gauche, pendant qu'il disait « Hayya ala salati, hayya ala al-falah » et le but de ça, comme on a dit, c'est pour qu'il fasse entendre les gens. Et il y a une autre version, il dit que ça c'est dans les deux cas, quand tu dis « Hayya ala salati, hayya ala al-falah », c'est pour inciter les gens à venir à la salat. Parce que tu dis « Hayya ala salati », c'est comme si tu dis « Venez vers la salat hein? ». Et après, on a planté la lance pour que ça fasse ça serve de sutra pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la salat. Puis il a prié dhuhr deux rak'at au lieu de quatre. Et la raison de ça, c'est parce qu'il était en voyage. Il était à Médine. Il était parti de Médine vers Mecca. Donc, il était en voyage et il a continué à prier deux rak'at pour les prières de, qui ont quatre. Il priait deux pendant toute la durée du temps qu'il était en voyage jusqu'à ce qu'il retourne à Médine. Parce qu'il était voyageur. Ça, c'est le sens général du hadith. Maintenant, les points spécifiques qui peuvent être tirés de ce hadith-là parmi les bienfaits, les fawa'id, yani sur le plan du fiqh. Le shaykh, il dit, ma yu'khadhu min al-hadithi min al-ahkam. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là? Premièrement, il y a cinq choses. Il y a cinq choses qui sont mentionnées ici. La première, مشروعيه التفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاه حي على الفلاح والحكمه في هذا تبليغ الناس لياتوا الى الصلاه. Donc il dit ici que le premier point, c'est que il est légiféré de se tourner, que le muadhdhin, quand il fait l'adhan, il se tourne à droite et à gauche lorsqu'il dit حي على الصلاه حي على الفلاح. Et la sagesse de ça, c'est de pouvoir faire entendre le plus de monde possible ce adhan pour qu'il puisse venir à la salat. Il faut se rappeler en même temps aussi qu'à l'époque, les gens faisaient l'adhan avec la voix. Il n'y avait pas de haut-parleur. Hein? Il n'y avait pas de haut-parleur, il n'y avait pas de speaker, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas des choses comme ça. Donc, ils faisaient avec la voix et ils appelaient à la prière. Aujourd'hui, on a les haut-parleurs. Dans les pays musulmans, les gens ils font l'adhan en général, c'est avec les haut-parleurs. Et avec les micros, donc il y a yani une plus grande portée. Deuxièmement, مشروعيه قصر الرباعيه الى ركعتين في السفر وياتي ان شاء الله. Donc il dit que c'est le fait que c'est légiféré de raccourcir la prière qui a 4 rak'at et d'en faire uniquement 2 lorsqu'on est en voyage. Et ça va venir dans les chapitres suivants. On va en parler de façon plus spécifique. Le point numéro 3, مشروعيه السطره امام المصلي ولو في مكه وياتي ان شاء الله. Donc le fait qu'il est légiféré de prendre une sutra lorsqu'on prie, hein, ou lorsque l'imam prie, et même s'il est à Mecca. Et ça va venir inshallah également, on va en parler de la sutra. Le point numéro 4, شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره ولكن لا يلحقه في ذلك العلماء والصالحون فإن له خصوصيات ينفرد بها من عن غيره ومن قاس غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ. Donc le Cheikh il dit, on voit également comme point numéro 4 la grande amour que les Sahaba avaient pour le prophète صلى الله عليه وسلم et le fait qu'ils cherchaient la bénédiction des choses qui sortent de son corps ou qui sont tirées de lui. Et l'exemple de ça, c'est l'eau avec lequel il a fait son wudu ici. Eh bien, les sahaba l'utilisaient pour se frotter avec, pour se laver avec, pour avoir la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il dit, par contre, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas inclure dans cette chose-là les ulama et les hommes pieux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a des particularités qui lui sont exclusives. Et parmi les exemples de ça, c'est le fait de pouvoir prendre de la bénédiction de lui, de son corps ou des choses qui ont été prises de son corps. Hein? De sa sueur, de sa salive, de yani, des choses de ce genre, de ses cheveux. Hein? Les sahaba, ils prenaient la bénédiction de ça. Mais des choses qui... il y en a des personnes autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça on n'a pas le droit de faire des analogies entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres et de comparer les shuyukh et les hommes pieux au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une erreur. Celui qui pense ça, il s'est trompé là-dedans. Et le point numéro 5, ورد في احاديث كثيره النهي عن لبس الاحمر للرجال فمنها في ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر. المياثر جمع ميثرة، والميثرة الثوب الذي يحلل به الثياب فيعلوها، وكانوا يصبغونها بالأروجان بالأرجوان بالأرجوان وهو لون أحمر. نعم. Donc المياثر الحمر. نهى عن المياثر الحمر. فكيف ذكرها هنا أو هنا أن عليه حلة حمراء. ذكر ابن القيم في الهدي النبوي أي زاد المعاد أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة وإنما فيها خطوط حمر وسود وغلط من ظن أنها حمراء بحث لا يخالطها غيره والتي أكثر أعلامها حمر لا يقال لها حمر حمراء لا يقال لها حمراء. ورأيت نقلا عن شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه لبسها لبيان الجواز، وعندي أن جمع ابن القيم أحسن لأن النهي عن الأحمر الخالص شديد، فكيف يلبسه لبيان الجواز؟ والله أعلم. Donc le cheikh il explique ici que il a été rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de porter des vêtements rouges pour les hommes dans plusieurs hadiths. Et donc, parmi les hadiths en question, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter al-mayathir al-humur. Al-mayathir, c'est le pluriel du mot maythara, et c'est un genre de vêtement que les gens portaient pour embellir les vêtements, c'est-à-dire ils mettaient ça par-dessus les autres vêtements, et ils le portaient, et c'est en général quelque chose qu'ils portaient qui était rouge, de couleur rouge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le porter. Alors, comment pourrait-il ici dire qu'il portait un vêtement rouge. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziya, dans son livre Zad al-Ma'ad, il explique que, en réalité, c'était pas purement rouge. C'était des fils rouges et noirs, mélangés ensemble. Et donc, quand le vêtement est pas purement rouge, et qu'il est mélangé de rouge et d'une autre couleur, alors dans ce cas-là, c'est pas interdit. Et donc, ça, c'est une explication qui a été mentionnée à ce sujet par Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Toutefois, le Cheikh, il dit que le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qui était le Cheikh de Cheikh Abdullah al-Bassam, et Cheikh Ibn Uthaymin aussi, il a mentionné, Cheikh al-Sa'di, qu'il a porté le rouge pour montrer que c'était permis de le mettre. Toutefois, le Cheikh al-Bassam, lui, il dit que il considère la position de l'imam Ibn al-Qayyim meilleure que celle de la position de Cheikh Sa'di parce que l'interdiction du rouge ou de porter des vêtements rouges purs, c'est une interdiction qui est sévère. Donc, comment pourrait-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourrait-il le porter pour montrer que c'est permis? Il dit donc, Wallahu a'lam. ذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديما وتأخيرا فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوء ويؤيد قوله رواية البخاري خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. Donc le cheikh il dit ici que Al-Qadi Iyad il mentionne qu'il y a dans cette parole quelque chose qui a été mis devant ou reculé ou avancé dans le hadith. Et c'est la parole lorsqu'il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wudu et que Bilal est sorti avec son wudu. Et il dit que ça c'est supporté par une autre narration de Al-Bukhari qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti puis on lui a amené le wudu, il a fait le wudu et les gens ont commencé à prendre du restant de son wudu et à se frotter avec. Donc c'est ça, là, ce serait ça en fait, yani le hadith en fait, en disant qu'il y a, eu une partie qui a été mise devant l'autre. Ou quelque chose qui a été mentionné avant l'autre en réalité, alors que ça devait être mentionné après. Ok. Maintenant, on passe au hadith suivant. Et le hadith suivant, c'est un hadith qui est le hadith 63 qui est mentionné ou rapporté selon Abdullah ibn Omar. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رواه البخاري ومسلم. Donc ici c'est rapporté selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qui dit que que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Bilal il fait le adhan la nuit. Alors buvez et mangez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le wudu, l'adhan. Buvez et mangez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le wudu, l'adhan. Subhanallah. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Je dis les mauvais mots. C'est ça. Buvez et mangez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le adhan. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux mu'azzin. Il y avait Bilal et il y avait Ibn Ummi Maktoum. Et les deux faisaient l'adhan. Sauf que le premier adhan, c'était pas l'adhan pour dire que c'est le temps de l'aube, qu'il faut arrêter de manger, de boire. Non. Le premier adhan, c'est le adhan pour ceux qui veulent se lever avant l'aube, pour manger, pour boire et aussi pour faire des nawafil s'ils veulent prier la nuit, faire tahajjud ou bien qiyam al-layl comme on l'appelle, et puis qui veulent faire des ibadat. Oui, et là c'est ça ce qu'il expliquait, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Bilal il va faire le adhan la nuit. Alors, mangez et buvez. Après, quand Bilal fait l'adhan, c'est encore la nuit. Donc, vous pouvez buvez, vous pouvez boire et vous pouvez manger. Jusqu'à ce que vous entendez le adhan de Ibn Ummi Maktoum, alors là, vous arrêtez de boire, vous arrêtez de manger parce que c'est le début de... Là, c'est l'aube. Ok, on va lire l'explication générale de ce hadith. Cheikh il dit, al-ma'na al-ijmali, كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان. C'est pas la même explication. Non. C'est-à-dire que c'est pas le même charh. C'est le même hadith, mais le charh c'est pas le même charh. Oui, parce que ça c'est le charh de Ibn Daqiq al-Aid. C'est un savant qui est plus ancien. Tandis que ce charh là, c'est le charh de Cheikh Abdullah Al-Bassam qui est plus récent, c'est-à-dire que ça fait lui il était à notre époque yani. OK, donc Cheikh il explique le sens général. Il dit kana lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'adhdhinan Bilal ibn Rabah, Bilal ibn Rabah et Abdullah ibn Ummi Maktoum, wa kana dariran. فكان بلال يؤذن لي للفجر فكان بلال يؤذن للفجر نعم فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر لأنها تقع وقت النوم وقت نوم ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها فكان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني وذلك لمن أراد الصيام فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة هذا وهذا خاص بها ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. Donc on va expliquer cette partie. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il avait deux muazzin, Bilal ibn Abi Rabah et Abdullah ibn Ummi Maktoum. Abdullah ibn Ummi Maktoum, il était aveugle. Donc, Ok? Et Bilal donc faisait l'adhan lui pour salat al-fajr avant la levée de fajr, avant la levée de l'aube. Hein? Before fajr. Hein? Avant le fajr. Il fait l'adhan avant le fajr. Donc c'était au moment où les gens dormaient, lui il fait l'adhan pour les réveiller. Parce que les gens ont besoin de se préparer avant que l'aube hein, commence, avant que vienne le moment de l'aube. L'aube, c'est quoi? C'est au moment que le soleil, la lueur du soleil commence à sortir de l'horizon, commence à apparaître, les premières lueurs du jour. Mais pas du jour, mais disons de l'aube. Les premières lueurs de l'aube. Hein? C'est ça que tu peux différencier le fil noir du fil blanc. De l'aube. À ce moment-là, ça c'est au moment où tu peux plus manger, tu peux plus boire. Bilal, lui, faisait l'adhan avant que l'aube commence. Pour que les gens se lèvent, pour qu'ils puissent boire, pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent prier. Et quand c'était donc le temps de l'aube, eh bien, c'était Ibn Umm Maktoum par la suite qui faisait l'autre adhan pour annoncer aux gens que l'aube s'était levée, maintenant on peut plus boire, on peut plus manger. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait aux sahaba que le adhan de Bilal, c'était le adhan pour la nuit, et il leur ordonnait de manger et de boire jusqu'à ce que se lève l'aube. Et le adhan, le deuxième adhan, c'était le adhan de Ibn Umm Maktoum. Et donc ils étaient capables de les distinguer parce qu'ils n'avaient pas la même voix. Donc quand ils entendaient l'adhan de Bilal, ils savent, ah, on a encore le temps pour boire puis pour manger. Quand ils entendent l'adhan de Ibn Umm Maktoum, là, ils savent que c'est le moment de l'aube, ça y est, c'est fini. On ne peut plus boire, on ne peut plus manger. Donc celui qui veut jeûner, il peut savoir justement avec ça. Et donc, quand il va entendre Ibn Umm Maktoum, il va arrêter de boire, il va arrêter de manger. C'est le temps de la salat qui est rentrée, salatul fajr. Et il dit, ça c'est particulier à la prière de Fajr. On n'a pas le droit de faire le adhan avant l'entrée du temps de la prière pour une autre prière que à ce moment-là. Hein? Tu ne peux pas faire un adhan avant le temps de la prière, avant le temps de la salat. C'est seulement la prière de l'aube que tu peux faire le adhan avant l'aube pour hein, avertir les gens de se lever ou qu'ils peuvent boire ou manger avant. Puis après, hein, tu peux faire le adhan. Et dans Umdatul Ahkam, il n'y a pas les détails qui sont mentionnés par rapport à, par exemple, l'adhan du Fajr. Le adhan du Fajr, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « As-salatu khayrun min an-nawm ». Et dans la sunna, As-salatu khayrun min an-nawm, on est supposé de le dire pour le premier adhan. L'adhan, quand c'est encore la nuit, avant l'aube. On dit As-salatu khayrun min an-nawm, mais le adhan du fajr, une fois que l'aube s'est levée, là, on n'a pas besoin de dire As-salatu khayrun min an-nawm. Ok? On n'a pas besoin de dire As-salatu khayrun min an-nawm, c'est seulement pour le premier, avant l'aube, qu'on dit As-salatu khayrun min an-nawm. Aussi, dans ce livre, il n'y a pas la mention du fait de mettre les doigts dans les oreilles lorsqu'on fait l'adhan. Mais ça fait partie de la sunna. Il y a des hadiths qui mentionnent hein, de mettre les doigts dans les oreilles pendant qu'on fait l'adhan. Non, c'est ça. Ça, c'est un autre sujet. Et on en a parlé dans les cours avant, les détails de ça. Mais bon. C'est un autre sujet, on en a parlé, je pense, très rapidement on a mentionné ça, parce qu'il y a différentes versions qui ont été rapportées sur la façon de faire le adhan, puis on a mentionné ces différentes versions-là, et les divergences entre les ulama sur ça, puis une des exemples qu'on a mentionné, c'est ça, ce que tu disais là, toi. Naam. Naam. Donc, ok. Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit, Ikhtalifa wa ikhtalifa fil adhan al-awwal li salat al-subh. Hal yaktafi bihi أو لا بد من أذان ثان لدخول الوقت، وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفى به. Donc il dit qu'il y a une divergence au sujet du premier adhan pour la prière de l'aube. Est-ce que c'est suffisant de le faire ou bien il faut absolument un deuxième adhan pour l'entrée du temps de l'aube? Et la majorité des ulama, ils ont dit que c'est légiféré de le faire, mais que c'est pas suffisant. Tu peux pas juste faire le adhan avant l'entrée de l'aube, il faut que tu fasses le adhan de l'aube également. Et donc, il dit, وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ مِنْ أَحْكَامِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme règle à partir de ce hadith? Le premier point, donc il y a sept points qui sont mentionnés pour ce hadith-là. Le premier point, جَوَازُ الْأَذَانِ لِصَلَاتِ الْفَجْرِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. Donc, le premier point, c'est la permission de faire un adhan pour la prière de Fajr avant l'entrée de son temps. Deuxièmement, جواز اتخاذ المؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم. Donc la permission qu'il y ait deux muezzins pour une même mosquée et que chacun d'entre eux ait un temps connu pour son adhan. C'est-à-dire que dans une mosquée il peut y avoir deux muezzins, puis le premier il fait l'adhan pour telle prière, puis le deuxième il fait l'adhan pour telle prière, ou bien comme dans le cas de qu'est-ce qui est mentionné ici, celui qui faisait l'adhan pour avant l'aube, c'était Bilal, et celui qui faisait l'adhan pour l'aube, c'était Ibn Abi Rabah, Abdullah Ibn Ummi Maktoum. le troisième point. جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم رجل أعمى. Donc le troisième point c'est qu'il est permis de prendre un muezzin aveugle et de suivre son adhan. Pourquoi? Parce que la preuve de ça c'est que ابن أم مكتوم était aveugle. Le point numéro 4, وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أن المحل أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكون وعليكم السلام ورحمة الله حتى يكون على بصيرة. Donc le point numéro 3 c'est qu'il est recommandé de faire savoir aux gens dans un pays ou dans une ville ou dans une région qu'il y a un adhan avant le lever de l'aube pour qu'ils soient au courant et pour qu'ils comprennent. D'accord? Donc tu leur dis, il y aura deux adhan. Il y aura un adhan avant l'aube pour que les gens se lèvent, pour manger, pour boire. Hein? Oui, c'est ça. À Médine, à Mecca, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un adhan pour indiquer l'aube, hein, que avant l'aube. Puis il y a le adhan après pour indiquer que c'est l'entrée du temps de la salat de Fajr. Hein, et que l'aube s'est levée. Et à partir de ce moment-là, tu peux plus boire et tu peux plus manger. D'accord? Le point numéro 6, فيه استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر وأن لا يمسك قبل ذلك والأمر فيه قوله فكلوا واشربوا وهو للإباحة والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت وسيأتي إن شاء الله. Donc le point numéro 6 c'est qu'il est recommandé de ne pas s'abstenir de boire et de manger pour celui qui veut jeûner jusqu'à ce qu'il ait réellement concrétisé ou compris que ou réalisé que le soleil l'aube s'est réellement levé, pas le soleil, l'aube, que l'aube s'est réellement levé. Et qu'ils ne se retiennent pas de boire et de manger avant le lever de l'aube. La preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand Bilal fait l'adhan, tu peux manger, tu peux boire. Il a dit manger et buvez. Donc c'est la preuve que après le premier adhan, le adhan de Bilal, vous devez boire et manger. Et que vous avez jusqu'au deuxième adhan, le adhan de Ibn Ummi Maktoum, lorsque l'aube se lève, là vous devez vous arrêter. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui, par exemple dans le Ramadan, ils s'arrêtent de manger avant l'aube, hein, en pensant que yani, c'est mieux de s'arrêter de manger avant l'aube. Donc ils s'arrêtent par exemple 20 minutes avant l'aube, 30 minutes avant l'aube, ou bien 5 minutes avant l'aube, puis ils s'abstiennent de manger avant. Non, vous pouvez manger jusqu'à l'aube, hein, jusqu'au lever de l'aube. Le point numéro 7, فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفا. Le point numéro 7, c'est qu'il y a la permission d'appliquer quelque chose en se basant sur l'information qui a été transmise par une seule personne, si cette personne est une personne fiable et connue. D'accord? Donc, ce n'est pas une condition que pour qu'on prenne une information ou une connaissance dans la religion, que cette connaissance ou cette information soit transmise par un nombre immense de personnes. Hein? Non, même si une seule personne l'a transmise, cette chose, mais que cette chose-là est tirée, elle vient d'une personne qui est honnête et fiable et connue, hein, pour son honnêteté, dans ce cas-là, on peut le prendre. Hein? Et il reste un autre hadith dans ce chapitre, et on va le lire et on va arrêter avec celui-là. Le hadith 64. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. C'est-à-dire, c'est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si vous entendez le mu'adhin, alors dites la même chose qu'il dit. Dites la même chose qu'il dit. C'est-à-dire, vous répétez après lui. Hein? C'est de répéter les paroles du mu'adhin. Ça fait partie de la sunnah. OK, le sens général du hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه بأن تقولوا مثل ما يقول فحينما يكبر فكبروا بعده وحينما يأتي بالشهادتين فأتوا بهما بعده فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن. Donc le cheikh il explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit ici, lorsque vous entendez le muazzin qui appelle à la salat, alors répondez-lui, et c'est-à-dire vous répétez la même chose que ce qu'il dit. Donc quand il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, vous dites la même chose, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, toi tu dis Ashhadu an la ilaha illallah. Et ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tu dis wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça va? Ça tombe bien. Et en fait, il y a aussi, j'entendais Cheikh Mohammed bin Hadi dans son dars, il expliquait, et quand on faisait l'adhan, lui, quand on était en train de faire l'adhan, et lui, il répétait, quand il disait ashhadu an la ilaha illallah, lui, il dit wa ana. Hein? Quand le muadhin il dit Ashhadu an la ilaha illallah, lui il dit wa ana. Ça dit moi aussi je le dis. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah wa ana. Il dit wa ana. Donc tu peux répéter Ashhadu an la ilaha illallah, ou bien tu peux dire wa ana. Ça fait partie de la sunna aussi. Et na'am. Après il dit. Donc, parmi les... oui, c'est ça. La raison pourquoi on répète, il dit, c'est parce que le muadhin, lui, il a la récompense de faire le adhan. Tandis que toi, qui n'est pas un muadhin, tu ne peux pas avoir la même récompense que lui. Donc, en répétant avec lui les paroles, eh bien, c'est comme si toi aussi, tu as la récompense de répéter les paroles du muadhin. Hein? Donc ça, c'est quelque chose de bien. Et il dit, وَمَا يُخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là? Il y a quatre points. Quatre choses. الأول, مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول وذلك بإجماع العلماء. Le fait qu'il est légiféré de répondre au muadhin en répétant la même chose que lui. Et ça, c'est selon le consensus des savants de l'islam. Ils sont tous d'accord sur ça. Deuxième point, أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله فقولوا لأن الفاء للترتيب وقد صرح بذلك بعض الأحاديث ومنها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول المؤذن حين يسكت. Donc ici le cheikh il explique que quand tu dois répondre. Quand est-ce que tu dois répéter qu'est-ce que le muadzin dit? C'est quand le muadzin a terminé de dire ce qu'il dit, toi tu commences. Tu ne vas pas le dire en même temps que lui. Hein? Tu attends qu'il termine, puis quand il a terminé, là tu dis en toi-même ou tu répètes à voix basse, yani, qu'est-ce qu'il dit. Et donc, la raison de ça, c'est parce qu'il dit « faqoulo ». Quand vous entendez qu'est-ce que le muazzin dit, alors dans ce cas-là, vous dites, et c'est pour dire qu'il faut que ce soit à la suite du muazzin et non pas en même temps que lui. Et dans un hadith, c'est explicitement mentionné dans la version de An-Nasa'i selon Salama, il dit « quand le muazzin a cessé de parler, là, toi, tu répètes. » Ok. Et il dit « le troisième point, أن يجيب المؤذن في كل أحواله إن لم يكن في خلاء أو على حاجته لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله حتى لا يفوت بفوات سببه. Donc ici le cheikh il explique que tu dois répondre au muadzin dans tous tes états ou dans toute situation, excepté lorsque tu es dans les toilettes par exemple ou que tu es en train de faire tes besoins ou quelque chose que tu fais. Et il dit que quand il y a un dhikr qui est relié à une cause ou à une chose spécifique, il ne faut pas le négliger pour ne pas perdre les récompenses qui sont reliées à cette chose-là ou à ce rappel-là dans ce moment-là t'échappent et que tu ne profites pas de ces récompenses. Le quatrième point, et c'est le dernier point, et il dit ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جملة أو في كل جمل الآذان والذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ومنه ثم قال حي على الصلاة لا حول قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله لأن الحي حي حي على لا تناسب السامع لا تناسب السامع وإنما الذي يناسبه الحوقلة فحينما دعاهم المؤذن أجابوه بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله أي يعني بمعونته وتأييده ويكون مجيئنا للصلاة وقيامنا بها. Donc le cheikh explique que tu répètes qu'est-ce que le muazzin dit excepté حي على الصلاة حي على الفلاح. Là tu dis لا حول ولا قوة إلا بالله. Tu répètes pas hayya ala salat hayya ala al falah comme lui. Et la raison de ça c'est parce que c'est comme si tu disais quand lui il dit viens à la salat, tu dis je viens par l'aide et par le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est par son aide et par son soutien que je vais venir à la salat et que je vais établir cette salat. Donc c'est comme si en même temps tu cherchais d'Allah l'aide et le support pour pouvoir justement établir cette adoration là. Faïda. Rawa al-Bukhari fi sahihihi an Jabir Jabir ibn Abdullah anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala man qala hina yasma'u an-nida' Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Un point bénéfique aussi relié à ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans Al-Bukhari, c'est rapporté selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui dit que celui quand il entend l'adhan Après avoir terminé, il dit le dua Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Eh bien, il aura l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Donc, il fera partie de ceux qui méritent cette intercession-là, inshallah. Donc, on va s'arrêter ici et on va justement faire le adhan, inshallah. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.